A. C'est l'augmentation générale de la température de notre planète. B. C'est l'énergie du vent. C. C'est la réduction ou la disparition des forêts. D. Il a été interdit dans les supermarchés. E. C'est le lieu où se trouvent les services de l'administration municipale. F. C'est une entreprise qui fait de la production agricole.